Les élections de la FFBAD auront lieu le 12 décembre prochain et donc 21 Shuttle a reçu les candidats séparément afin qu'ils expliquent différents points clés de leur programme. Aujourd'hui, c'est Nathalie Huet de la liste Changement d'air qui est venue discuter un peu avec nous de certains points que nous pensions être importants. Cette interview est à retrouver tout de suite dans 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally. I'm the bad guy. Take that! Bonjour Nathalie Huet, merci d'être avec nous dans 21 Shuttle. Bonjour. Première question assez générale, est-ce que vous pouvez vous présenter notamment votre parcours dans le badminton et détailler votre rôle actuel au sein de la FFBAD? Oui, bien sûr. Donc, moi, je fais du badminton depuis très longtemps, puisque j'ai commencé en 1982, quand j'étais en troisième, je crois. J'ai commencé pour faire du badminton loisir, mais j'étais au club du Val-de-Reuil, où il y avait beaucoup de jeunes qui étaient déjà en équipe de France, et en particulier la famille Latour, dont Bernadette était l'une de mes amies, et qui m'a entraînée sur ce sport. Donc ça a commencé là et ensuite je me suis quasiment jamais arrêtée de jouer au badminton. Dans mon CV qui est visible sur le site de notre site là, de notre liste, j'ai fait 7 clubs, mais simplement parce que à cause de mes études qui m'ont emmenée dans différentes villes et mon activité professionnelle qui m'a aussi fait déménager plusieurs fois. J'ai parcouru de nombreux clubs. Et je me suis toujours investie dans ces clubs, notamment quand je suis arrivée à Dijon. J'habitais à Quetigny, qui est la banlieue de Dijon. Donc il y avait la possibilité de créer un club dans cette ville. Et Christophe Lasny, à l'époque, qui était à l'origine de la création, je suis arrivée dans ce club et on a tout de suite réussi à monter ce club, qui est maintenant un très gros club de Bourgogne. Avec qui je suis resté en relation, et avec pas mal de gens avec qui je suis resté en relation depuis dans ce club. Ensuite, j'ai dû déménager à Nantes, et là, dans un club qui s'appelle l'Amicale Don Bosco, qui est aussi un très gros club et qui est une omnisport. Au bout de quelques années, on s'est aperçu que la salle de tennis n'était plus suffisante et on a créé une salle spécifique. Et bien sûr, au cours de toute cette période, je me suis investie, en particulier quand j'étais en Pays de la Loire, comme vice-présidente du comité, comme vice-présidente de la Ligue. Et depuis que je suis à Marseille, je m'étais mis un petit peu en retrait des instances territoriales. Et seulement l'année dernière, j'ai repris la présidence du comité 13 suite au décès de Bruno Bert, pour pouvoir assurer la fin de l'Olympiade. En ce qui concerne mon parcours à la Fédération française de badminton, donc c'est Richard Remond, avec qui j'étais amie, qui est venu me chercher en 2012 en me disant qu'il allait me donner, qu'il avait besoin de gens sur sa liste et qu'il allait me donner une toute petite tâche à faire au sein de la Fédération, que ça ne me prendrait pas beaucoup de temps. Et il m'a confié le développement durable à cette époque-là et ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce qu'il me proposait au départ. Je me suis réinvestie dans cette thématique que j'ai pu développer, ainsi que dans le bad pour tous. Et puis sur cette Olympiade, comme vous le savez, les élections n'ont pas été ce qu'elles auraient pu être. Et Florent a été un peu la surprise en 2016 quand il a été élu à la présidence. Et moi, je me suis réinvestie dans la continuité, c'est-à-dire tout ce qui concernait le badminton pour tous, ce que je faisais un petit peu déjà précédemment, mais en allant sur des thématiques telles que les personnes en situation de handicap, en finalisant le dispositif senior, et puis en développant la nouvelle pratique qu'est le air badminton en collaboration avec, bien sûr, les salariés de la fédération. Donc voilà un petit peu mon parcours rapidement de ce que j'ai pu faire depuis les années 80. Oui, vous l'avez dit, en fait, vous avez occupé plusieurs postes, que ce soit dans les clubs, en fait, les comités départementaux, les ligues et même au sein de la fédération, du coup, sur les dernières années. Est-ce que cette candidature, c'est une suite logique et pourquoi cette candidature? Alors, la candidature, oui, bien sûr, c'est une suite logique. Au niveau professionnel, je fonctionne un petit peu pareil. pour tout vous dire, je travaille en archéologie sous-marine. Et depuis que je suis petite, je veux être archéologue. Et voilà, j'ai tout fait pour arriver au poste où je suis actuellement, à Marseille, près de la mer. La présidence de la fédération, ça n'était pas forcément une ambition à l'origine, mais être investi dans le sport, oui. Et être au service des autres, ça l'a toujours été. Mes grands-parents étaient très investis aussi dans la vie associative, en particulier dans la voile. Et donc voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur, comme ça tient à cœur à mon frère, qui aussi fait partager sa passion aussi autour du badminton. Donc ce fait d'être au service des autres et d'impulser des choses dans quelque chose qui est ma passion, ça m'a toujours tenu à cœur. Donc aller à la présidence de la fédération, pas forcément, être dans les instances bien sûr, mais quand Florent a été élu en 2016, il a annoncé dans les premières minutes qu'il démissionnerait de la présidence à l'Assemblée générale suivante. Donc je m'étais déjà préparée, comme j'étais deuxième sur la liste de Richard, à éventuellement prendre ce poste. C'est très lourd, hein, c'est un lourd investissement, ça veut dire que moi j'ai un métier passionnant, ça veut dire qu'il faut mettre un petit peu son métier entre parenthèses, même si j'ai été élue, je continuerai à l'exercer, mais c'est voilà, qu'il faut réfléchir sur les 4 ans à venir, ce que ça implique personnellement. Et j'ai réfléchi pendant l'Olympiade. Je n'étais pas d'accord avec la façon dont les dossiers étaient menés. On avait écrit un projet qui s'appelait Ambition 2025, qui n'a jamais été suivi pendant cette Olympiade ou par partie, et surtout qui n'a jamais été évalué tout au cours de l'Olympiade. Et c'est pour ça que j'ai rapidement démissionné de mon poste de vice-présidente au sein de la fédération. Je vais continuer à m'investir dans mes charges au niveau du badminton pour tous et du développement du handi, des autres publics et du air badminton. Mais dans cette dernière année, on m'a un petit peu poussé pour aller vers la présidence. Et après réflexion, bien sûr, j'ai encore plein de choses à vouloir développer au sein de pour cette présidence et pour le badminton de demain. Et entouré avec une bonne équipe, ça me soutient pour aller vers ce poste avec sérénité, en connaissant comment ça. La fédération fonctionne, et en sachant qu'il y a des lourdes responsabilités, que ce soit vis-à-vis des territoires ou que ce soit vis-à-vis des instances sportives du monde français, européen et international. Dans votre campagne, vous communiquez beaucoup, notamment sur Facebook. Qu'est-ce que vous pensez de la façon de communiquer actuelle de la fédération, et qu'est-ce que vous changeriez ? Ah ! Alors... bonne question. Alors moi, je communique beaucoup sur Facebook. Alors personnellement, j'ai un compte Facebook que je n'utilise quasiment jamais, mais effectivement, j'utilise beaucoup mon compte badminton, parce que j'estime que le territoire a des idées absolument formidables et qu'on ne les valorise souvent pas assez, et qu'elles ne sont pas assez visibles, parce que ces idées que le territoire met en œuvre, on a du mal déjà. Actuellement, on n'assure pas de veille au niveau de la fédération, ou relativement peu. Et ces idées, elles sont à valoriser, et surtout quand elles se multiplient sur le territoire, pour moi, elles sont à mutualiser. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a pris le nom sur notre liste, on a mis Construit ton BAD. C'est tout l'intérêt d'avoir des territoires innovants, de ne pas réinventer à chaque fois ce qui se passe sur les territoires, et de se baser sur ce qui se passe localement, quand il y a des initiatives qui existent, pour pouvoir les mutualiser, les partager avec d'autres personnes qui partagent ces idées, et pouvoir ensuite éventuellement créer un dispositif national dont tout le monde peut disposer. Ce matin même, j'ai été en communication avec... la personne qui a été primée sur le club qui a été primé sur le microbad. Et effectivement, ces initiatives qu'on n'est pas forcément en mesure de mettre en œuvre au sein de la fédération, parce que je vous rappelle que la fédération, c'est seulement, même si ça paraît beaucoup, 55 employés entre les cadres techniques et et les salariés propres de la fédération, mais avec des centaines de sujets à traiter par jour. Et ces initiatives, il y a 190 000 licenciés, il y a 190 000 idées potentielles, et ces initiatives, elles doivent être valorisées par la communication. Alors la communication, le plan de communication et la stratégie de communication ces derniers temps ont changé, puisque maintenant, effectivement, on ne communique pas uniquement sur les médailles, mais on communique aussi sur les autres aspects du badminton. Même si je suis très contente qu'on ait des médailles ces derniers temps, mais on essaie de communiquer sur d'autres sujets et un certain nombre de personnes l'ont vu, notamment dans 100% BAD. Ça va être encore le cas lors du prochain numéro. On essaie de valoriser les initiatives locales et les bénévoles aussi qui sont derrière ces initiatives, ou les professionnels. Oui, on a parlé un peu de Facebook et du relais des informations. J'ai quand même pu un peu suivre ce que vous faisiez du coup sur Facebook, encore une fois. Vous relayez beaucoup les performances des Français et votre candidature s'inscrit dans une Olympiade, j'ai envie de dire majeure pour le sport et le badminton en particulier, avec 2024, les Jeux Olympiques de Paris. On sait qu'aujourd'hui l'État se désengage quand même un petit peu, notamment sur le financement du haut niveau. Quel est votre regard sur le haut niveau français et quels sont vos projets en fait pour cette Olympiade? Alors le comportement du ministère est plus subtil que ça, on va dire. Il ne se dégage pas financièrement de la très haute performance, puisqu'il souhaite accompagner, les athlètes qui vont être médaillables. Oui, ça fait peu pour le badminton français. Voilà, que ce soit au niveau valide ou que ce soit au niveau handicap, parabad. Donc, les moyens sont concentrés sur ces personnes-là. Et alors que jusqu'à présent, les fédérations pouvaient mettre des moyens aussi sur la préfilière et le haut niveau, ces moyens vont être extrêmement réduits, puisque vraiment concentrés sur quelques personnes, donc très peu de personnes. Ça va être l'enjeu pour nous. Actuellement, il souhaiterait qu'on ne voit plus que parler, on va dire, à peine la petite dizaine d'athlètes qui pourraient être dans ce cas-là. On ne peut pas miser que sur Paris 2024. Il faut viser sur l'avenir. Il faut viser sur 2028 et la suite, puisque les athlètes de 2028 et de 2032, on va les avoir dans nos préfilières très rapidement. Donc il faut vraiment continuer à soutenir l'existence de ces préfilières. Les ligues nous aident beaucoup, bien sûr, tous les relais territoriaux nous aident beaucoup. Il y a eu la mise en place des clubs à venir qui paraît très bénéfique sur cette Olympiade. Il y a aussi tous les parcours différenciés. Je suis bien placée pour le savoir, puisque étant dans le comité 13, on a le club de Fosse qui me permet de sortir des pépites, que ce soit les pop-off, mais là, très prochainement, ils ont pris d'autres athlètes sous leur aile. Et l'académie qu'ils ont montée, enfin, c'est pas une académie, mais le parcours d'excellence qu'ils sont en train de monter autour de Fosse montre aussi qu'on peut y arriver autrement. Il faut que les deux systèmes coexistent et se complètent, se bonifient l'un et l'autre, et pouvoir avoir des interactions entre les uns et les autres. Dans l'équipe, je suis entourée quand même avec un certain nombre de spécialistes qui connaissent bien tout ce parcours, puisqu'il y a Renan Labarre, donc qui est toujours impliqué dans l'équipe de France, mais il y a aussi Emmanuel Hoth, qui est le représentant du collectif France Parabad. Et puis il y a des anciens joueurs, il y a Ania Boudaoui, qui était ancienne joueuse de l'équipe nationale d'Algérie et qui a été médaillée plusieurs fois. Mais il y a aussi Jean-Brice Montagnon, qui lui a été à haut niveau quand il était dans l'équipe de France jeune, et puis qui a été dans le top 12. Et pour compléter, il y a aussi Jean-Marc Serfati, qui a été entraîneur national pour les jeunes, qui est maintenant à l'éducation nationale. Mais voilà, il y a énormément de personnes aussi sur la liste. C'est une liste mixte, avec des personnes qui connaissent bien le territoire et des personnes qui connaissent bien le haut niveau. pour pouvoir avancer et proposer en adéquation avec ce que l'Agence nationale du sport nous imposera dans l'Ambition bleue, un parcours pour que nos athlètes soient accompagnés. Et il est aussi important de les accompagner financièrement, donc financièrement, mais aussi qu'ils construisent leur parcours professionnel. Il ne suffit pas de leur donner de l'argent pour les médailles, il faut aussi les accompagner dans leur parcours professionnel et puis dans l'après-badminton, on va dire, de leur permettre de suivre éventuellement un double cursus. Et ça, je pense qu'avec Elisa Chanteur, maintenant, à l'INSEP, ça permet de suivre tous les athlètes sur l'ensemble de la France. Donc voilà, il y a beaucoup d'enjeux, mais il y a aussi beaucoup de professionnels sur ce sujet. Et entouré de toutes ces personnes-là, doit être capable de pouvoir aller sereinement vers 2024 et surtout 2028, d'assurer l'avenir aussi pour 2028. On a parlé du haut niveau, maintenant on va parler un peu des badistes les plus nombreux, c'est-à-dire les joueurs loisirs et compétiteurs de clubs. Vous parlez beaucoup de faire évoluer les licences et notamment, si j'ai bien compris, de créer des licences. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet ? Alors, on a déjà, sur l'Olympiade, là, on a déjà tenté de faire évoluer les licences, puisqu'on n'avait qu'un seul type de licence, et aussi les titres de pratique. Donc, ce qui les différencie, c'est que licence, il faut un certificat médical. Titre de pratique, il n'y a pas besoin de certificat médical, mais on ne peut pas faire de compétition. Donc, il y a eu un certain nombre de propositions. Ça émane d'un groupe de travail qui avait été monté sur l'Olympiade précédente. Ces licences ont été adoptées sur cette Olympiade-là et à la date d'aujourd'hui, elles ne fonctionnent pas ou elles ne sont pas encore... elles fonctionnent plus ou moins bien pour des problèmes informatiques et surtout, elles ne sont pas encore mises en œuvre sur le territoire. Alors, on n'a pas de chance. La licence d'été et la pratique estivale... avec le Covid, ça a été un petit peu quand même largement limité. Les licences, pareil, il y a une licence pour les instituts médicaux spécialisés et notamment pour les EHPAD. Et là, ça n'a pas été... Enfin, dans les conditions actuelles, c'est très difficile de pouvoir les mettre en œuvre. Donc, dans un premier temps, c'est de réactiver ces licences, que les territoires prennent conscience que c'est une chance pour eux d'avoir ces licences et ces titres de pratique. Et aussi le titre de pratique promotionnel qui permet de faire des animations et de pouvoir référencer des gens qu'on va pouvoir aller rechercher comme futurs licenciés. Mais il y a aussi plein d'autres licences qui sont envisageables. On pourrait très bien imaginer des licences, beaucoup de gens les demandent, des licences avec des paiements en trimestre. Mais ça peut être aussi des licences famille pour avoir bénéficié davantage quand on vient à plusieurs de la famille, 4, 5 de la famille, quand toute la famille pratique. Et puis il y a de plus en plus de demandes pour faire des cycles de badminton avec des publics particuliers, donc ça peut être dans les quartiers prioritaires, mais ça peut être aussi des cycles sur l'obésité, ça peut être Marseille hier nous a demandé un cycle pour les sans-abri. Et ces gens-là, on n'est pas en mesure de leur prendre des licences actuellement, puisque prendre une licence à 50 euros, ça revient déjà beaucoup trop cher pour un cycle de 5 ou 6 séances. Donc il faut réussir à inventer des licences ou des titres de pratique pour ces publics-là et de pouvoir ainsi permettre la professionnalisation dans le sport, enfin dans le badminton, que ce soit pour les comités ou les clubs, et leur permettre d'avoir d'autres pratiques avec des publics nouveaux, avec la famille du badminton, les entreprises, etc. Donc on réfléchit là-dessus. Cette Olympiade, c'est le numérique qui a pêché... en ne permettant pas une mise en place rapide de ces dispositifs. Mais c'est toute l'ambition aussi de la liste, c'est de pouvoir travailler ce qu'on appelle en mode projet, en ayant avant tout en tête de travailler en transversalité, mais aussi de voir tout ce qui va nous permettre de mettre ça en place, de tester avant de mettre en place, d'associer les territoires et éventuellement licenciés dans cette mise en pratique et dans ces tests. Et puis après, bien sûr, de travailler sur un échéancier et un planning de mise en œuvre avec des évaluations régulières du fonctionnement. À l'heure actuelle, je ne suis pas capable de vous donner combien de ces titres de pratique et ces licences ont été, combien il y en a eu qui ont été distribués sur l'année dernière. Je n'ai aucune idée de ça, alors que les chiffres doivent exister quelque part. Oui, justement, je voulais aussi rebondir sur ces chiffres. On a eu l'occasion d'étudier votre programme et ce que vous avez fait. Et effectivement, ces chiffres dont vous parlez, on a vu qu'ils n'avaient pas forcément été communiqués. Il y a aussi, si je ne me trompe pas, les chiffres des licenciés de la nouvelle saison non plus, qui n'ont pas été communiqués. Je voulais savoir si, justement, vous pensez que le coronavirus, qui nous touche évidemment tous, a des conséquences directes là, tout de suite, dans l'immédiat. Et est-ce que dès l'élection, il va falloir travailler là-dessus? Alors les chiffres sur les licences, on les a en partie, c'est-à-dire que Hélène Bissolino, qui fait un travail incroyable sur ces statistiques, nous les distribue régulièrement. Donc là, on a reçu quelque chose il y a une ou deux journées, je crois, sur les statistiques à la date d'il y a quelques jours. Et puis moi, j'ai fait un peu le tour des territoires aussi pour que ce soit les clubs, les comités ou les ligues, pour savoir où ils en étaient dans les chiffres. Donc ça, on sait qu'on est entre 15 et 25% de baisse de licenciés par rapport à la saison dernière. Dans le comité 13, par exemple, les chiffres nous ont été communiqués ce matin. On a 25% de perte de licenciés par rapport à l'année dernière, alors qu'on avait très très bien démarré en septembre et qu'on était au-dessus des 3% en début septembre. Ce que nous n'avons pas à l'heure actuelle, c'est l'analyse de ces chiffres. C'est-à-dire que nous ne savons pas si c'est... Alors, on a dit pendant longtemps que c'était des jeunes qui ne revenaient pas au badminton. Magali Godin, qui est à la com, a fait faire l'étude au sein de la fédération. Les jeunes reviennent, on n'a pas de différence de... Enfin, reviennent. On n'a pas de différence entre les licenciés adultes et les licenciés jeunes, puisque ça doit être 20% de baisse chez les adultes et 18% de baisse sur les jeunes à la date où a été fait l'étude. Maintenant, ce qu'il faudrait réussir à faire, c'est avoir une distinction par territoire, savoir si des régions sont plus impactées que d'autres, qu'on voit déjà un petit peu sur les statistiques, et surtout par rapport aux clubs, quels sont les clubs sur lesquels il y a une baisse énorme. Est-ce que c'est parce qu'ils ont subi un impact la non-ouverture de leur gymnase? Est-ce que c'est les loisirs? Actuellement, on ne sait pas, on a l'impression, je dis bien au doigt mouillé, que les compétiteurs sont venus, que ceux-là, on les a fidélisés, et c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, mais que en revanche, les loisirs, voire les néo-licenciés, ne sont pas revenus, tout simplement parce que la plupart de nous n'avons pas eu de forum des associations en physique. Donc, en fonction de des licenciés qui nous manquent, entre guillemets, ou qui ne sont pas revenus, bien sûr, il faut envisager dès maintenant, et l'équipe en place, on leur a fait des propositions, et on en refera demain soir, puisqu'on a une commission demain soir. Il faut faire des propositions dès maintenant, et déjà réfléchir à l'anticipation pour l'après-Covid, et qui on va aller chercher, et comment on va aller chercher, est-ce que ça va être des campagnes, si c'est des loisirs, est-ce que ça va être des campagnes de communication nationale, est-ce que si c'est des licenciés si c'est des licenciés qu'on avait déjà, est-ce qu'il faut relancer des campagnes individuelles de mailing ou des questionnaires pour savoir pourquoi ils ne sont pas revenus. Donc il y a déjà des choses à anticiper en connaissant mieux la population. Et pareil, il faut savoir comment ça se déroule sur le territoire et quelles sont les populations les plus impactées sur le territoire, puisque si en Nouvelle-Aquitaine, c'est les loisirs qui sont le plus impactés, et dans le Grand Est, c'est les compétiteurs. Il va falloir aussi avoir des communications différenciées, parce qu'on ne va pas réussir à toucher le même public. Donc, c'est ces statistiques qui sont très importantes, et c'est des choses que on les a au niveau de la fédération, ça existe, hein, c'est juste l'exploitation qui n'est pas faite. Mais il faut, sur l'Olympiade, c'est quelque chose à venir, si nous sommes élus, c'est quelque chose sur lequel on voudrait insister pour pouvoir donner des... pour être réactif et donner des points d'étape à nos territoires pour qu'ils puissent réagir sur un certain nombre de sujets. Par exemple, sur Hélène a aussi fait des statistiques sur les personnes en situation de handicap qui, a priori, sont moins impactées puisqu'ils sont venus dans les clubs. Il y en a même des territoires comme les Hauts-de-France où on a une très forte augmentation suite au dispositif qu'on avait mis en place lors du championnat d'Europe sur des animations sur les personnes en situation de handicap. voilà, donc ça c'est important, mais ce qui est important aussi c'est maintenant, c'est-à-dire que là, il faut qu'on arrive pendant ce Covid, on a déjà un certain nombre de licenciés qui sont dans nos clubs, et il ne faut pas les perdre, et il ne faut pas perdre ceux qui sont fidélisés, il faut continuer à garder le contact, même si on n'a qu'un mois de confinement, qui peut éventuellement se prolonger, mais il ne faut pas perdre les contacts avec les néo-licenciés qui sinon ne trouveront pas d'intérêt à être venus dans le club. Donc nous, au niveau de la liste, on a déjà fait un premier atelier dès vendredi soir sur cet impact. Qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place, qu'est-ce qui avait été mis en place par le territoire sur le premier confinement. Donc on a eu des clubs, des comités qui étaient présents et qui ont apporté des idées, et des très très bonnes idées. La synthèse a été faite, je l'ai reçue cet après-midi, et elle devrait être mise en ligne, j'espère cette nuit, puisqu'on a une réunion ce soir avec mon équipe. J'espère cette nuit, on va pouvoir remettre ça en ligne. On a été aidé par des gens qui étaient extérieurs aussi, qui ont bien voulu s'adjoindre et apporter leurs idées de façon écrite. Donc on devrait mettre tous ces éléments-là sur le site de l'équipe d'ici demain matin, j'espère. Donc avec des idées sur, bien sûr, de la pratique physique chez soi, mais aussi des défis, mais aussi mobiliser les néo-licenciés par des questionnaires, leur expliquer comment fonctionne le club, les inviter à des apéros sans alcool web, voilà, tout un tas d'idées qui peuvent être mises en place et qu'on va proposer dans les prochaines heures. Eh bien, on va bientôt arriver au bout de notre temps. On va vous poser une dernière question qui est assez large. Est-ce que on a couvert quelques sujets, mais est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que vous voulez aborder? Voilà, vous avez quelques minutes. Qu'est-ce que vous voulez rajouter? Alors, on a parlé. Vous avez déjà évoqué pas mal de choses. Et puis, on a pu effectivement parler de tout ce, de l'importance que peuvent avoir les territoires. Moi, j'insisterai sur le fait que on a des nouvelles équipes qui se mettent en place. Il y a beaucoup de ligues dans lesquelles il y a des nouveaux présidents qui arrivent. Certains qui ont déjà été formés par les anciens présidents, d'autres qui arrivent suite à l'élection, qui vont avoir fort à faire, et de la gestion de leur comité et de leur club dans une période très difficile, avec des baisses de finances relativement importantes, impactées par la baisse de licenciés. Et il est important de pouvoir les accompagner auprès de leur structure, mais aussi les accompagner dans le territoire français, enfin auprès des instances territoriales de leur région. Puisque tout se modifie, il y a des conférences territoriales qui sont en train de se mettre en place pour le sport, il y en a qui fonctionnent déjà, il va y avoir des conférences des financeurs, les collectivités vont prendre un grand rôle dans ces conférences, l'État va être aussi à côté, ainsi que l'éducation nationale, dans lequel le ministère des Sports est intégré. Et il va falloir que ces nouveaux dirigeants puissent prendre leur place dans ce territoire rapidement, se fassent connaître. La fédération a des professionnels qui sont déjà aguerris sur le sujet. Il sera important que les prochains élus puissent accompagner directement sur le territoire et rencontrer tous ces acteurs et donnent les moyens de pouvoir s'intégrer dans ce nouveau mode de financement qui sera sans doute, enfin ce nouveau mode de fonctionnement qui apportera des nouvelles sources de financement. Voilà, cette économie qui change et ces modes de financement qui changent, elle est très importante puisqu'on l'a vu changer aussi ces dernières années. On ne va pas chercher que des licenciés, il faut aussi aller chercher des pratiquants. Il faut travailler de plus en plus avec les collectivités, réussir à s'implanter dans des nouveaux équipements, voire dans des équipements autres. On peut le voir avec le Air Badminton, et puis aller chercher des sources des ressources financières, non plus auprès des licenciés, mais comme on l'a fait à la fédération depuis cette Olympiade, aller chercher des appels à projets, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, qui peuvent permettre de mettre en place des projets. Sur cette Olympiade, on a été financé pour le Air Badminton, je suis allé chercher un appel à un projet héritage pour 150 000 euros par le ministère. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je ne vous ai pas tout exposé sur nos ambitions et les sujets qu'on souhaite mettre en place, mais il y a beaucoup de d'éléments sur le site, donc construitenbad.fr. On a fait aussi une petite application qui est sur smartphone. Elle est aussi les liens sont téléchargeables sur le site, et puis vous verrez tous les jours, on essaye de, enfin pas tous les jours, mais régulièrement dans la semaine, on essaye de mettre des actualités sur le site. Et surtout, on va partager jusqu'aux élections des fiches pratiques qu'on a élaborées sur les différentes thématiques, les 5 R qu'on souhaite mettre en œuvre. Donc rassembler, réussir, être réactive, réinventer et être responsable. Et on exposera jusqu'au 10 décembre les projets et les actions qu'on souhaite mettre derrière ces thématiques. Oui, effectivement, on n'a pas pu tout aborder, donc vous avez raison de rappeler le site. Je l'aurais dit une fois, construitonbad.fr. Donc si nos auditeurs veulent aller voir plus des points plus développés que parmi ce que vous avez développé là, ils peuvent aller le faire. Et en tout cas, bah, merci d'être venu nous voir, et merci d'être venu pour expliquer votre programme. C'était très intéressant, en tout cas. Ben, surtout, merci à vous. Merci à vous de vous investir là-dedans, et puis de mettre en place des petites thématiques comme ça. J'en ai vu plusieurs que vous avez fait sur grâce au lien que vous m'avez donné, et vraiment ça dynamise le sport français et le badminton. Cette interview est à présent terminée. Merci de l'avoir écoutée. J'espère qu'elle vous a plu. Je rappelle que nous avons reçu Johan Penel de la liste Tous Badminton. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes et vous pouvez le retrouver aussi sur nos réseaux sociaux. Et je rappelle aussi que lundi prochain, nous recevrons le troisième et dernier candidat, Jean-Michel Richard, de la liste BAD 2028, le pari des expériences. Donc on se retrouve lundi pour un prochain podcast. D'ici là, portez-vous bien.绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给